Roulez, jeunesse. Le monde ne tourne pas qu'autour de Faustine et Gilles. Il s'y passe de quoi nourrir les conversations du dimanche chez les beaux-parents. Myriam est toujours à l'affût de faits divers et géopolitiques. Elle tente d'élever le débat au-dessus des ragots et commentaires stagnant au niveau du café du commerce. Le 26 février 1993, une bombe explose au World Trade Center de New York. Cet attentat est considéré comme le premier attentat djihadiste de l'histoire contre un pays occidental. Autre grande nouvelle, l'élection de Ruth Dreyfus au Conseil fédéral. C'est la deuxième femme qui s'y distingue après Elisabeth Kopp, virée manu militari pour délit d'initié. Faustine est enchantée du succès de sa consœur. Mais sa belle-sœur ne se contente pas de ce rôle de gazette politique. Dans l'incapacité physique et psychique d'en profiter elle-même, elle offre des places de concert aux jeunes époux, sous réserve qu'ils lui racontent tout ensuite. Ainsi, en avril 93, ils auront la chance d'assister au récital de Peter Gabriel. D'avance, ils s'en réjouissent. Faustine espère toujours prouver un poste fixe, mais on dirait bien que les 30 glorieuses sont définitivement dépassées. Après Ascom, c'est Madeleine qui lui propose un nouveau mandat à domicile pour le Centre international de Lyon. Cela lui permettra au moins de tenir jusqu'à fin juillet. Il s'agit de reproduire plusieurs manuels de cuisine destinés aux apprentis de l'école hôtelière. Dans la foulée, plusieurs travaux s'ajoutent à l'ensemble. Elle est donc suffisamment occupée pour l'instant. Cela ne l'empêche pas d'essayer d'opérer quelques coupes sombres dans le budget familial. D'abord s'occuper du portefeuille d'assurance exorbitant de son époux. Ayant pris rendez-vous avec leur agent, ils se heurtent à un personnage d'une extrême mauvaise foi qui leur interdit carrément de changer quoi que ce soit tant que la maison n'est pas vendue. Elle n'est garantie que par les deux assurances-vie de Gilles. Qu'à cela ne tienne, explose Faustine. Nous allons harceler l'agence pour qu'elle se sorte les pouces du cul. C'est chose faite dès la semaine suivante. Commence alors la longue attente. Des visites sont organisées pendant plusieurs mois. En avril, les deux époux rendent visite à Stéphane, le frère de Faustine, aux Oliviers, le centre de désintoxication pour alcooliques de Lausanne. Stéphane ne va pas bien du tout. Ses enfants lui manquent. Il ne sait toujours pas ce qu'est devenue sa femme, ni s'il la reverra un jour. De plus, il trouve l'endroit sinistre, ce qui n'est pas fait pour le sortir de sa dépression. Gilles et Faustine craignent une rechute. Ils partagent un repas avec le jeune homme et tentent de lui remonter le moral. Ils constatent qu'effectivement l'endroit est bien moins joyeux que la métairie. Hélas, ils n'ont plus les moyens de la lui offrir. Quant aux assurances, au vu du nombre de malades, elles ont bien évidemment cessé de placer l'alcoolisme sous l'étiquette « dépression ». Question de rentabilité, bien entendu. Par conséquent, les caisses en profitent pour ne plus rembourser les soins ou alors dans des institutions publiques spécialisées. Le couple évoque néanmoins le retour du jeune papa à la maison et se fait une joie de l'accueillir. Plus tard, lorsqu'il aura retrouvé un emploi, Stéphane cherchera un appartement et récupérera ses enfants. Mais pour commencer, il s'installera provisoirement chez Gilles et Faustine. Rassuré, rasséréné, Steph retrouve le sourire et se montre un peu plus optimiste lorsqu'ils se séparent. Le concert de Peter Gabriel à Lausanne fait salle comble. C'est la première fois de sa vie que Faustine participe à ce genre de manifestation. Si elle apprécie cette musique, toute proportion gardée, elle est sincèrement éblouie par les effets spéciaux et le côté chaud du business. Toute cette fumée, ces accessoires qui tombent du ciel, ces couleurs et ces basses qui remuent les tripes, les pattes. Plus que la prétendue poésie, elle jauge le côté technique. Il faut avoir vu cela au moins une fois dans sa vie. Par contre, en ce qui la concerne, moitié moins de décibels rendrait la chose plus supportable. La foule aussi l'impressionne, ainsi que le flot discontinu de voitures au moment du départ. Miroir, le groupe alcoolique anonyme qu'ils ont fondé, se porte bien. Il y a de plus en plus de monde le mercredi soir. Gilles et Faustine s'y rendent régulièrement, mais prennent un peu moins la permanence téléphonique, faute de temps. Par contre, ils s'investissent également dans les autres groupes. Ils s'y amusent beaucoup aussi. C'est incroyable ce que les alcooliques peuvent être créatifs et drôles quand il s'agit d'étancher leur soif. Entre Lucia, qui faisait tremper du persil en guise de camouflage dans un verre de vodka, jusqu'à Marcel, qui avait montré à son chien toutes les planques où il avait caché de la gnôle, afin de n'avoir plus qu'à se laisser guider. Anne, la grande Anne, ex-directrice de la métairie, explique que la plupart des alcooliques compensent leurs vices par un perfectionnisme appliqué. C'est souvent ce qui rend le pardon de leurs excès plus facile, tant qu'ils n'ont pas cassé la baraque, bien sûr. Cela explique pourquoi de grandes entreprises comme IBM ou Nestlé choisissent parfois d'embaucher des alcooliques abstinents. Il n'y a pas meilleur travailleur ni plus engagé. Faustine veut bien la croire. Quand on arrive à se sortir du piège, on est prêt à tout pour peu qu'on nous donne une seconde chance. Un soir, Gilles rentre à la maison, empli d'un enthousiasme communicatif. « Tu te souviens de mon pote Vincent ?»« Qui ?»« Le jardinier à côté duquel tu t'es assise l'autre jour au resto. »« Ce midi, il m'a demandé comment j'avais arrêté de boire. »« Ah oui, je savais pas qu'il était alcoolique. »« Et alors ?»« Si, si. Et en ce moment, c'est difficile pour lui. » Alors je lui ai proposé de nous accompagner au terreau ce samedi. Il y a une séance ouverte avec témoignages. C'est une super idée, j'espère qu'il viendra. De fait, samedi, Gilles rentre du boulot suivi par Vincent. Bonjour ma chérie, vous vous installez sur la terrasse pendant que je nous prépare un café? Je voudrais expliquer à Vincent le fonctionnement d'un groupe AA avant la première séance, qu'il est déjà un pied dans la place. Il fait un temps magnifique ce 8 mai 1993. Le trio s'installe sur la terrasse. Faustine arbore les toutes nouvelles Ray-Ban que son opticien de mari vient de lui offrir. Vincent reste muet un bon moment. Cela devient presque gênant. Pour finir, Faustine lui demande « Est-ce que quelque chose te dérange ?»« C'est juste le fait de ne pas voir tes yeux. J'ai du mal à converser si je ne vois pas le regard de l'autre. Désolé, j'ai les yeux fragiles et besoin de lunettes teintées. » Mais je peux tourner le dos au soleil si tu veux. Voilà, ça va mieux? Oui, merci. Et sinon, tu as bu aujourd'hui? Mais Faustine, cela ne nous regarde pas, intervient Gilles. Ça fait 3 semaines que je bois en continu. Vu que j'ai prévenu mes amis que j'allais arrêter de boire, j'ai picolé encore plus en me disant chaque fois que ce serait le dernier verre. Au moins tu es sûr de ton succès. Alors là, tu es complètement bourré? Exact. Eh bien, ça ne se voit pas. Non, j'ai cette chance. Enfin, si on peut dire, je peux boire tout ce que je veux sans que ça se remarque. Gilles intervient. Alors, les jeunes, on y va à cette séance? Ça va être l'heure. Lorsqu'ils arrivent à l'espace culturel des terreaux, la salle est presque comble. Faustine ne peut cacher sa déception en apercevant celui qui va livrer son témoignage. Encore lui! Ça fait la 50e fois qu'on l'entend. Ça ne va sûrement pas plaire à Vincent. Mais qu'est-ce que t'en sais? Et qu'est-ce que c'est que cette manière de juger ainsi? Tu sais bien que chacun prend ce dont il a besoin. Si ça se trouve, ce sera exactement ce qu'il faut à Vincent. T'as raison, je suis idiote. Tout cela ne dépend pas de moi. C'est juste qu'il a une voix si monocorde. J'aurais aimé quelque chose de plus vivant pour une première. Vincent semble très attentif à tout ce qu'il voit et entend pendant l'heure qui suit. Pas plus que les autres, il ne pose de questions une fois que B a terminé sa prestation. Il ne se présente pas non plus, bien que sa présence en tant que nouveau suscite quelques curiosités. En fin de séance, il se lève avec les autres pour participer à la prière de la sérénité. Au terreau, les locations de salles se succédant, on vide les lieux rapidement. Le rituel du café a lieu dans le restaurant qui occupe le rez-de-chaussée. Vincent suit le mouvement. Autour de la table, en plus de 3, sont assises Monique et Antoinette. Chacun commande un thé ou un café, voire de l'eau ou une bière sans alcool. On attend que Vincent s'exprime. Une bière, s'il vous plaît. Et merde, il a rien compris au film. Faustine n'a pas réagi ouvertement, mais elle n'en pense pas moins. Ce n'est pas le premier échec auquel elle assiste, mais quand même. Elle espérait que leur protégé était prêt à s'arrêter, et cela ne semble malheureusement pas être le cas. La conversation s'emballe rapidement sur d'autres sujets. mais chaque personne présente ne peut s'empêcher de surveiller du coin de l'œil ce verre de bière provoquant et surtout la main qui va le saisir, la bouche qui va le boire. Vincent, totalement inconscient de ce qui se joue, écoute ses nouveaux amis et participe du mieux qu'il peut à la conversation. Une vingtaine de minutes plus tard, hélant le garçon, il demande « Excusez-moi, vous pourriez remporter ça et m'apporter un café à la place ?» Avec un large sourire repris en cœur par l'assistance, le serveur s'exécute. Il ne fera jamais payer la bière. Ce soir, Faustine aurait bien voulu que Vincent vienne dormir chez eux, afin qu'il puisse réagir rapidement en cas de malaise. Mais le jeune homme refuse, acceptant toutefois que Gilles le raccompagne. Il a besoin d'être seul pour digérer tout ça.